Hey, hey, c'est Booba? Non, c'est 50 Cent? Non, bah c'est qui prend le mic? Alors, qui? Yeah, yeah. C'est FRG qui rappe un peu et c'est de l'or. Venez tous à Bellecroix où tout le sport s'accroît. Tout le monde est bras en l'air pour FRG. Je me présente, ça vient du Nord et c'est hardcore. Bellecroix, quartier difficile où réussir n'est pas facile. Des jeunes ont rêvé de s'en sortir, mais leur rêve va finir par s'abstenir. Je vais pas vous mentir, j'ai réussi à m'en sortir. Heureusement, il y a les amis pour réussir dans les conflits. Old style, fraud. Yeah, Antonio, Emmanuel, Fabrice, Jennifer, Kevin, Manuel, Xavier. Yeah. C'est qu'une chose à dire, gros, représente la 5-7 family. Et ouais, chez la vie, les amis et la famille. Je suis docile, enfermé dans ma coquille à tous les blocs. Les frères, même ceux qui sont sous terre, avec toi, j'écris ce morceau. Pour toute ma foi, j'ai saisi l'impro et je fais mon flow. 5-7 aux commandes du rap, et déjà le dernier lap. Éteignez les lumières, écoutez l'impro de FRG qui a commencé, qui terminera. On y vit, on y meurt, belle croix, plein de dernière demeure. C'est ça le Outstack Road. Yeah. Yeah, c'est ça, Bellecroix. Bienvenue à Bellecroix. Sarkozy, dégage. On n'a pas envie de toi ici. Eh, hey, bande de Schmitt, allez vous faire enculer. Parce que d'habitude, c'est quand les Schmitt qui nous défoncent, il y a toujours l'État qui vient nous enfoncer encore plus.